check. YW, le mois d'un fucking renard. Gizzy Yuzu, Gizmo. Lamzo déjà quitté. J'suis dans mon coin tout seul. J'suis sur mon joint, j'suis sur ma feuille. J'suis dans un hall tout sale. Les képis reconnaissent ma gueule. Du rap à la rue, de la rue au rap, putain. C'était douloureux, mais c'était honorable. J'ai faim. J'vais des bananes et du poisson pour ce soir. Puissance. Du bisap et du dégué pour le dessert. Puissance. On a des proches qu'on va plus jamais revoir. J'ai fait du mal parce que c'était nécessaire. Allez, check comment j'fais des rimes. J'suis pas là pour fédérer. J'traîne avec des Frédéric car leurs darons sont PDG. J'suis dans ma frénésie et très souvent éméché. Mon cœur bat toujours, mais mes sentiments l'ont délaissé. Alors des fois, je pars en couille et puis ma poupée pleure. Pas romantique, le renard, y'aura pas de bouquet de fleurs. Et j'verse une gorgée sur le sol pour ceux qui sont pas là. J'fais des sous, j'vais pas caler ni tomber dans la mare. J'ai le blues. J'te l'ai déjà dit. J'suis dans le mood. Que des tragédies. Je vois des patrouilles. En balade ici. Sur ma feuille, j'me défoule. Je ne dors plus la nuit. Gros, j'ai le blues. J'te l'ai déjà dit. J'suis dans le mood. Que des tragédies. Je vois des patrouilles. En bas de la piscine, sur ma feuille je me défoule. Je ne dors plus la nuit. Et j'ai mal au cœur quand j'écris ma peine. Et j'ai mal à la tête quand j'écris ma haine. Et puis j'ai mal au foie quand j'ai bu la teille. J'avais besoin d'une carapace mais c'est plus la peine. Et j'ai mal au cœur quand j'écris ma peine. Et j'ai mal à la tête quand j'écris ma haine. Et puis j'ai mal au foie quand j'ai bu la teille. J'avais besoin d'une carapace mais c'est plus la peine. Je m'en fous de ce qu'ils disent. Ils ont fumé leur premier joint l'année dernière. Je connais Meda depuis 2006. Je navigue sans boussole au milieu des eaux tourmentées. Et l'orange du marchand, moi je l'ai volé pour manger. CAP boulanger, jamais de la vie. Y'a 520 palos, il me faut songer, ramène la weed. Que ça part en couille, que ça traîne la nuit. Il se fait allumer pour une histoire d'avant, mais c'était même pas lui. Plus fort à chaque épreuve. Que les keufs me privent de mon bédo, ne savent même pas que j'écris des chefs-d'œuvre. J'suis à l'ancienne, dans mon délire, j'écoute du Wu-Tang Clan. J'suis parti commettre des délits, mais j'sais pas où t'étais. Alors enfoiré, dis-moi ce que j'te dois. Dis-moi. Ce que tu fais avec ta queue, moi j'le fais avec deux doigts. Bah ouais, enfoiré, dis-moi ce que j'te dois. Dis-moi. Ce que tu fais avec ta queue, moi j'le fais avec deux doigts. J'ai le blues. J'te l'ai déjà dit. J'suis dans le mood. Que des tragédies. Je vois des patrouilles. En balade ici. Sur ma feuille je me défoule. Je ne dors plus la nuit. Gros j'ai le blues. J'te l'ai déjà dit. J'suis dans le mood. Que des tragédies. Je vois des patrouilles. En balade ici. Sur ma feuille je me défoule. Je ne dors plus la nuit. Et j'ai mal au cœur quand j'écris ma peine. Et j'ai mal à la tête quand j'écris ma haine. Et puis j'ai mal au foie quand j'ai bu la teille. J'avais besoin d'une carapace mais c'est plus la peine. Et j'ai mal au cœur quand j'écris ma peine. Et j'ai mal à la tête quand j'écris ma haine. Et puis j'ai mal au foie quand j'ai bu la teille. J'avais besoin d'une carapace mais c'est plus la peine. Yo, YW, Ziggy Zone sensible, motherfucker. C'est moi-même. Speedy Spang, Speedy Check, Speedy Spang.